Le Hurlevent d'Emily Brontë. Deuxième épisode. J'avais réussi à louer un manoir au fin fond de l'Angleterre, sur une terre battue par les vents, à l'écart de toute agitation mondaine. Un vrai paradis de misanthropes, avec pour seul voisin mon propriétaire, un certain Mr. Heathcliff, qui vivait avec sa belle-fille et le cousin de cette dernière. Tout trois m'avait clairement fait comprendre que mes visites étaient inopportunes. Moi qui avais résolu de me tenir un temps à l'écart de tout rapport social, je bénissais mon étoile d'être tombé enfin sur un endroit où ils étaient quasi impossibles. Girouettes que nous sommes. Il ne se passa pas une semaine que je baissais déjà pavillon et demandais à Mrs. Dean, ma femme de charge, de me tenir compagnie pendant mon dîner, espérant sincèrement que je trouverais en elle une vraie commère et que son babil ranimerait mes esprits ou m'inclinerait au sommeil. Vous vivez ici depuis très longtemps, Mrs. Dean, n'est-ce pas ? 18 ans, Mr. Lockwood. Je suis venue quand ma maîtresse s'est mariée pour la servir. Après sa mort, le maître m'a gardée comme intendante. Vous avez vu bon nombre de changements, je suppose ? Pour sûr. Et de souffrances aussi. Savez-vous pourquoi Mr. Heathcliff loue le manoir de la Grive et préfère vivre dans une maison qui est bien loin de valoir cette demeure ? N'est-il pas assez riche pour maintenir la propriété en bon ordre ? Riche, monsieur ? Personne ne sait ce qu'il a d'argent et ça augmente chaque année. Mais oui, il est assez riche pour vivre dans une maison plus belle encore. Mais il est très regardant. Et même s'il avait eu l'intention de venir s'installer au manoir, il n'aurait pas plutôt entendu parler d'un bon locataire qu'il n'aurait jamais pu laisser passer l'occasion de gagner quelques centaines de livres de plus. C'est étrange que les gens puissent être aussi gourmands quand ils sont seuls au monde. Il a eu un fils, n'est-ce pas ? Oui, un fils. Qui est mort. Et cette jeune dame, Mrs. Heathcliff, est la veuve de ce fils ? Oui. D'où vient-elle ? Eh bien, monsieur, c'est la fille de mon défunt maître Edgar Linton. Catherine Linton, tel était son nom de jeune fille. C'est moi qui l'ai nourrie. La pauvre créature. Catherine Linton ? Vous avez été à Hurlevent ? Je vous demande pardon de vous interroger, mais je voudrais savoir comment elle va. Mrs. Heathcliff, elle ne m'a pas semblé très heureuse. Oh ! Mon Dieu, ça ne m'étonne pas. Et le maître, vous a-t-il plu ? C'est un assez rude gaillard. N'est-ce pas ainsi qu'on peut le dépeindre ? Rude comme un tranchant de scie et dur comme du silex. Moins vous aurez affaire à lui, mieux ça vaudra. Il doit avoir connu des hauts et des bas dans la vie pour être devenu si hargneux. Savez-vous quelque chose de son histoire ? Je la connais toute. Sauf que je ne sais pas où il est né, ni qui étaient ses parents, ni comment il a gagné son argent dans les débuts. Eh bien, Mrs. Dean, ce serait faire œuvre charitable que de me parler un peu de mes voisins. Je sens que je ne trouverai pas le repos si je vais au lit. Mais certainement, Mr. Lockwood. Je resterai avec vous aussi longtemps qu'il vous plaira. Permettez-moi seulement de prendre de quoi coudre un brin. Bien sûr, je vous en prie. Avant de venir vivre ici, j'étais presque toujours à Hurlevent, car ma mère avait nourri Mr. Hinley Earnshaw, le père de Ayrton. Et j'avais pris l'habitude de jouer avec les enfants, Hinley et sa sœur Cathy. Je faisais aussi des commissions, j'aidais au foin et je tournais autour de la ferme, prête à faire tout ce que quiconque me demanderait. Un beau matin d'été, Mr. Earnshaw, le vieux maître, descendit en costume de voyage. Il se tourna vers Hinley, Cathy et moi et s'adressa à son fils. Bonjour. Bonjour, papa. Eh bien, mon grand gars, je m'en vais à Liverpool aujourd'hui. Que faut-il te rapporter ? Tu peux choisir ce qu'il te plaît pourvu que ce ne soit pas gros, car je ferai la route à pied 60 000 à l'aller et au retour, c'est un bon bout de chemin. Je voudrais bien un violon, papa. Un violon. Bon. Et toi, Cathy? Moi, je fais une cravache. Évidemment. Le maître ne m'oublia pas, il promit de me rapporter des pommes et des poires plein sa poche, puis il embrassa ses enfants et partit. Au revoir, papa. Rentre vite. Bon voyage. Bon voyage. Merci. Soyez prudents. Ils nous parurent longs à tous les 3 jours que dura son absence. Il sera content. Mais et s'il ne rentre que demain? Le soir du troisième jour, à 11h, le loquet se leva doucement et le maître entra. Papa! Papa! Ça va, papa? Oui, voilà. Vous avez pu apporter le violon? Oui. Vous avez... Écartez-vous tous, je suis à moitié mort. Oh, je ne recommencerai pas à les marches pour rien au monde. Vois, femme. Rien ne m'a jamais éreinté de la sorte. Mais tu dois le prendre comme un don de Dieu. Bien qu'il soit presque aussi noir que s'il venait du diable. Nous nous pressâmes autour de lui, et par-dessus la tête de Miss Cathy, j'aperçus un enfant malpropre, déguenillé, aux cheveux bruns, assez grand pour marcher et parler. À vrai dire, à voir son visage, il semblait plus âgé que Catherine, qui avait alors 6 ans, mais quand il fut sur ses pieds, il se contenta de regarder autour de lui avec de grands yeux, en répétant sans fin je ne sais quel baragouin que personne ne put comprendre. Mais à quoi avez-vous donc songé, mon ami, en apportant ici cette graine de bohémien? Nous avons déjà nos propres enfants à nourrir. Vous êtes devenu fou? Que comptez-vous faire de lui? Le maître essaya d'expliquer la chose, mais il était à demi mort de fatigue. Et tout ce que je pus démêler au milieu des récriminations de sa femme, c'est comment il avait trouvé l'enfant mourant de faim et sans abri dans les rues de Liverpool, où il l'avait recueilli et s'était enquis de son possesseur. Pas une âme ne savait à qui il appartenait. J'ai jugé préférable de le ramener tout de suite chez nous, plutôt que de faire de vaines dépenses là-bas, car je ne pouvais pas le laisser dans cet état. Nelly, veuillez le laver et lui donner des effets propres. Et faites-le dormir avec les enfants. Bien, monsieur. Papa. Ma maîtresse cessa de maugréer et Inley et Cathy se mirent l'un et l'autre à fouiller les poches de leur père pour y trouver les présents qu'il leur avait promis. Mais papa, regardez, le violon est tout cassé. Et ma cravache? Je suis désolé, Cathy, je l'ai perdu pendant le voyage. Tout ça, c'est à cause de lui. Cathy, ce ne sont pas des manières. À présent, montez dans votre chambre, les enfants. Vous n'auriez pas dû le ramener, papa. De toute façon, il ne couchera même pas avec nous. Il n'entrera même pas dans notre chambre. Allez, les enfants, on monte. Allez, toi, viens par là. De mon côté, je ne fus pas plus raisonnable que Cathy et Inley, car je le mis sur le palier, en espérant le trouver parti le lendemain. Soit hasard, soit qu'il eût été attiré par la voix de Mr. Earnshaw, il se traîna jusqu'à la porte du maître, où celui-ci le trouva en sortant de sa chambre. Il s'inquiéta de savoir comment il était venu là. Je fus forcé d'avouer, et en récompense de ma poltronnerie et de mon inhumanité, je fus renvoyé de la maison. C'est ainsi que ce jeune garçon fit son entrée dans la famille. Quand je revins quelques jours plus tard, car je ne considérais pas mon bannissement comme perpétuel, je découvris qu'on l'avait baptisé Heathcliff. C'était le nom d'un fils mort en bas âge, nom qui dès lors lui a servi à la fois de nom de baptême et de nom de famille. Miss Cathy et lui s'entendaient maintenant à merveille, mais Inley le détestait. C'était apparemment un enfant morose et résigné, endurci au mauvais traitement. Il recevait les coups de Inley sans sourciller ni répandre une larme. Le vieil Earnshaw se mettait en fureur quand il surprenait son fils à persécuter le pauvre petit orphelin, comme il l'appelait. Il s'attachait étrangement à Heathcliff, croyant tout ce qu'il disait et le choyant bien plus que Cathy, qui était trop malicieuse et trop fantasque pour être sa favorite. Ainsi donc, dès le début, l'étranger fut cause de dissension dans la maison. Et à la mort de Mrs. Earnshaw, qui survint moins de 2 ans plus tard, le jeune maître avait appris à regarder Heathcliff comme l'usurpateur de l'affection de son père et de ses propres privilèges. Un jour, Mr. Earnshaw acheta une paire de poulains à la foire paroissiale et en donna un à chacun des 2 garçons. Heathcliff prit le plus beau, mais celui-ci devint bientôt boiteux. Et quand son possesseur s'en aperçut, il alla voir Hindley. Il faut que tu changes de cheval avec moi. Je n'aime pas le mien. Si tu ne veux pas, je dirai à ton père les 3 rossets que tu m'as donnés cette semaine et je lui montrerai mon bras, qui est noir jusqu'à l'épaule. Eh bien, voici la 4e. Va-t'en, chien ! Hindley le menaça d'un coup de fonte dont on se servait pour peser les pommes de terre et le foin. Lance-le ! Je raconterai comment tu t'es vanté de me jeter dehors dès que ton père mourra. Et nous verrons si ce n'est pas toi qui seras jeté dehors à l'instant. Hindley lança le poids, atteignant Heathcliff à la poitrine, et celui-ci tomba, mais pour se redresser immédiatement, chancelant, pâle et sans plus de souffle. Et si je ne l'en eusse empêché, il serait allé trouver le maître dans cet état. Prends donc mon poulain bohémien, et je fais des vœux pour qu'il te rompe le cou. Prends-le et va au diable, misérable intrus, et extorque à mon père tout ce qu'il a pour lui montrer ensuite ce que tu es, graine de Satan! Avec le temps, Mr. Earnshaw commença à décliner. Et quand il fut confiné au coin du feu, il devint extrêmement irritable. 2 ou 3 fois, Hindley, en manifestant son mépris pour Heathcliff, mit le vieil homme en fureur. Ce dernier saisit sa canne pour le frapper et frémit de rage de n'y point parvenir. Enfin, notre ministre conseilla d'envoyer le jeune maître faire des études. J'espérais, voyez-vous, Mr. Lockwood, et du fond du cœur, que nous aurions la paix désormais. Les choses auraient pu aller assez bien, malgré tout, sans 2 personnes, Miss Cathy et Joseph, le domestique que vous avez dû voir là-bas. À force de sermons et de pieux discours, Joseph parvint à faire grande impression sur Mr. Earnshaw, et plus le maître s'affaiblissait, plus Joseph gagnait en influence. Pensez donc au salut de votre âme, maître. De voir, c'est d'aider vos enfants avec plus de rigueur. Faut voir comment ils se comportent les 2. Surtout Miss Catherine. Vous avez raison, Joseph. Certes, Miss Catherine avait des façons d'être comme je n'en ai jamais vu chez un enfant. Et tous, tant que nous étions, elle mettait notre patience à bout plus de 50 fois par jour. Il n'y avait pas une minute où nous puissions être sûrs qu'elle n'allait pas commettre quelques méfaits. Elle était toujours en ébullition, toujours à faire courir sa langue. C'était une intraitable petite friponne, mais somme toute, je crois qu'elle n'entendait pas malice. C'est pas drôle. Miss Cathy. À présent, elle était très attachée à Heathcliff. La plus grande punition que nous puissions inventer pour elle était de la séparer de lui. Pourtant, elle se faisait gronder plus qu'aucun de nous à cause de lui. Après s'être conduite aussi mal que possible tout le long du jour, elle venait parfois cajoler son père pour faire la paix le soir. Non, Cathy, je ne puis pas t'aimer. Tu es pire que ton frère. Va dire tes prières, mon enfant, et demande pardon à Dieu. Je crains que ta mère et moi n'ayons à nous repentir de t'avoir mise au monde. À force d'être continuellement repoussée, elle s'endurcit et elle riait si je la pressais de demander pardon. Mais en fin de compte, l'heure arriva qui mit un terme au tourment de Mr. Earnshaw, ici-bas. Il mourut tranquillement dans son fauteuil un soir d'octobre, assis au coin du feu. Nous étions tous ensemble. Miss Cathy avait été souffrante, ce qui pour une fois la rendait tranquille. Elle était appuyée contre les genoux de son père et Heathcliff était étendu à terre, la tête sur le giron de Cathy. Je me rappelle que le maître, avant de s'assoupir, a caressé les beaux cheveux de sa fille. Pourquoi ne peux-tu toujours être une bonne fille, Cathy ? Pourquoi ne pouvez-vous pas toujours être un bon papa, père ? Cathy ! Mon cher petit papa. Tenez, je vais chanter pour vous endormir. Nous restâmes tous muets comme des souris pendant une bonne demi-heure et nous aurions continué plus longtemps encore si Joseph ne s'était levé. Je m'en vais réveiller le maître pour la prière et le coucher. Mr. Renshaw, il faut vous réveiller. Maître, il faut... Montez sans faire de bruit, les enfants, et m'attendez pas pour la prière. J'ai encore affaire ici. Je veux d'abord souhaiter bonne nuit à papa. Mr. Hindley revint pour les funérailles et, chose qui nous stupéfia, il amena avec lui une épouse. Tout ce qu'elle vit au moment où elle franchit le seuil parut la ravir, ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle, hormis les préparatifs de l'enterrement. Je remarquai pour sûr qu'elle avait parfois une toux pénible, mais je n'avais aucune idée de ce qu'annonçaient ses symptômes. Le jeune Earnshaw avait considérablement changé pendant ses 3 années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, il parlait et s'habillait tout différemment. Et le jour même de son retour, il nous enjoignit à Joseph et à moi de nous cantonner désormais dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il devint rapidement tyrannique envers Heathcliff. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Ta place est avec les domestiques. Tu travailleras dehors comme eux. Au début, Heathcliff supporta assez bien sa dégradation parce que Cathy lui enseignait ce qu'elle apprenait et venait travailler ou jouer avec lui dans les champs. Ils promettaient tous deux de devenir en grandissant de vrais sauvages. Le jeune maître ne se souciant nullement de leur façon de se conduire, ni de ce qu'ils faisaient, pourvu qu'ils ne fussent pas dans ses jambes. L'un de leurs plus grands amusements était d'aller courir le matin sur la lande pour y rester tout le jour. Et la punition qui s'ensuivait devint pour eux un simple sujet de moquerie. Ils oubliaient tout dès l'instant qu'ils se retrouvaient ensemble. Un dimanche soir, il arriva qu'ils furent bannis de la grande salle pour avoir fait du bruit, et quand j'allais les appeler pour le souper, je ne les trouvais nulle part. Nous fouillâmes la maison de haut en bas, ainsi que la cour et les écuries. Ils étaient invisibles. On ne les trouve pas. Je ne sais pas où ils sont. Tant pis pour eux. Verrouillez toutes les portes. Et que personne ne leur ouvre cette nuit. La maisonnée alla se coucher. Et moi, trop inquiète pour me mettre au lit, j'ouvris ma fenêtre et passait la tête au dehors pour écouter. Quelque temps plus tard, je distinguais des pas qui approchaient sur la route et la lumière d'une lanterne brilla à travers la barrière. Que fais-tu tout seul, Heathcliff ? Où est Miss Catherine ? Pas d'accident, j'espère. Au manoir de la Grive. Et j'y serais aussi s'ils avaient eu assez de manières pour me demander de rester. Eh bien, tu sais ce qui t'attend. Qu'est-ce qui a bien pu te faire vagabonder du côté du manoir de la Grive ? Laisse-moi enlever mes vêtements mouillés et je te raconterai tout, Nelly. Prends garde à ne pas réveiller Mr. Hindley. Cathy et moi, nous nous étions échappés pour vagabonder librement, et en apercevant les lumières du manoir, nous avons eu l'idée d'aller voir ce que faisaient les enfants Linton. Nous avons couru du sommet des collines jusqu'au parc sans nous arrêter. Nous nous sommes glissés par un trou de la haie et nous sommes postés sur une plate-bande sous la fenêtre du salon. La lumière venait de là. Nous pouvions regarder tous les deux au-dedans en nous accrochant au rebord, et nous avons vu une splendide pièce avec un tapis rouge et un plafond tout blanc bordé d'or. Les parents n'étaient pas là. Edgar et sa sœur avaient la pièce pour eux tout seuls. Et maintenant, devine ce qu'ils faisaient. Isabelle était couchée par terre, tout au bout de la pièce, et elle poussait des cris comme si des sorcières l'avaient lardée d'aiguilles rougies au feu. Edgar se tenait devant l'âtre. Il pleurait en silence. Et au milieu de la table, il y avait un petit chien qui secouait sa patte en glapissant. À entendre leurs accusations mutuelles, nous avons compris qu'ils avaient failli les carteler entre eux. Oh. Les idiots. Voilà quel plaisir ils se donnaient. Se disputer à qui tiendrait un paquet de poils chauds et puis pleurer tous les deux parce que chacun, après s'être battu pour l'avoir, refusait de le prendre. Comme nous avons ri de ces mioches gâtées. Comme nous les avons méprisés. Quand me surprendras-tu, Nelly ? À souhaiter d'avoir ce que voudrait Catherine. Quand nous trouveras-tu seul en train de chercher à nous amuser en hurlant, en sanglotant et en nous roulant par terre, séparés par toute la largeur d'une pièce? Je n'échangerai pour rien au monde ma condition d'ici pour celle d'Edgar Linton au manoir de la Grive. Pas même si je devais avoir le privilège de peindre la façade de la maison avec le sang de Hindley. Tu ne m'as toujours pas dit, Heathcliff, comment il se fait que Catherine soit restée là-bas? Je t'ai dit que nous nous étions mis à rire. Les Linton nous ont entendus et... Chut. Maman, maman, vite, venez, vite, papa, vite. Nous nous sommes laissés tomber à terre parce que nous sentions qu'il valait mieux décamper. Sauve-toi, Heathcliff, sauve-toi. Ils ont lâché le bouton qui me tient. Ce démon l'avait saisi à la cheville. Elle n'a pas crié, non. Elle en aurait rougi, eût-elle été embrochée sur les cornes d'une vache furieuse. Qu'est-ce que c'est ? Mais veux-tu bien la lâcher ? Mais lâche ! Lâche, rôdeur ! Lâche ! L'homme a relevé Cathy. Elle se pâmait, non de frayeur, j'en suis sûr, mais de douleur. Quelle proie a-t-il attrapé, Robert ? Rôdeur a pris une jeune fille, monsieur. Et voilà un garçon qui a bien l'air d'un fief et fripon. Ma chère Marie, venez voir. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Mais la scélératesse se lit déjà clairement sur son visage. Approchez votre lanterne, Robert. Bien, monsieur. Observez-le. Mon Dieu, quelle horrible figure. L'affreuse créature. Amenez-le à la cave, papa. Il ressemble trait pour trait au fils de la bohémienne qui m'a volé mon faisant apprivoisé. N'est-ce pas, Edgar ? Maman, bouge pas. C'est Miss Sancho. Et voyez comme Rôdeur l'a mordu. Comme son pied saigne. Miss Sancho ? Impossible. Miss Sancho battant le pays avec un bohémien. Et pourtant, elle est en deuil. C'est sûrement elle. Et elle risque d'être estropiée pour la vie. Mon Dieu. Quelle coupable négligence de la part de son frère. Mais où a-t-elle ramassé ce compagnon? Oh, c'est certainement cette étrange acquisition que mon défunt voisin a faite lors de son voyage à Liverpool. Un vilain gamin, en tout cas. Avez-vous remarqué son langage, Linton? Qu'est-ce qu'il a mon langage? Tais-toi. Là-dessus, j'ai recommencé à jurer. Et Robert a reçu l'ordre de me chasser. Allez, je peux te voir. C'est moi. J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Laissez-moi avec Cathy. Il m'a fourré la lanterne dans la main en m'assurant que le Mister Rancho serait informé de ma conduite. Puis il m'a enjoint de décamper sur le champ. Bon, maintenant il faut te coucher. Cette affaire aura plus de suite que tu ne crois. Tu es incorrigible, Heathcliff. Et Mister Inès sera amené à prendre des mesures extrêmes. Tu le verras. Mes paroles se révélèrent plus vraies que je ne l'aurais voulu. Cette fâcheuse aventure mit Inley en fureur. Heathcliff ne fut pas fouetté, mais avertit qu'au premier mot qu'il adresserait à Miss Catherine, il serait chassé. Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Deuxième épisode. Avec Clotilde Mollet, Laurent Cléry, Amandine Gay, Valérie Moinet, Laurent Lederer, Eugène Marcuse, Audrey Bonnet, Adrien Serre, Pauline Ziadé, Suzanne Lachartre, Jean-Claude Frissong, Cécilia Dassonneville, Clément Bresson, Jérémy Lewin, Dominique Parent, Emilia Casorzi, Nathalie Canoui, Charles Borg. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.